Bonjour et bienvenue à présent à un premier enregistrement en compagnie de Solis. Donc, pour une première fois, ici David au micro qui vous salue. Et donc, je suis en sa compagnie. Et je te dis donc, Solis, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, David. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? Ça, c'est venu du fait qu'il y a un de mes parents qui déjà était dans une... a vécu, c'est ça, la séparation de ses propres parents étant petit. Alors, tu sais, à l'âge de 5 ans, quand tu vis la séparation de tes parents, tu t'évolues pas de la même façon. T'as pas nécessairement de cadre qui est là. Fait que tu perds, t'habites avec un parent, l'autre parent, tu le rencontres, t'as peut-être 18-19 ans. Fait que déjà à ce moment-là, cette époque-là aussi, c'était pas courant de vivre une séparation au niveau des parents. Fait qu'à l'époque, ce parent-là, ben il a vécu beaucoup de questionnements intérieurs, vécu beaucoup d'expériences de lui-même, sans avoir l'encadrement des parents, ce qui l'a amené à cheminer vers une conscience. La religion n'était pas, ne faisait pas partie de l'enseignement qu'il a reçu. Puis beaucoup de lectures, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Puis après ça, à un moment donné, un autre membre de la famille était en contact avec Bernard de Montréal. OK. Puis c'est ça, de fil en aiguille, là, c'est ça. Mes parents ont suivi un séminaire avec Bernard de Montréal. Moi, à l'époque, j'avais peut-être 12, 13 ans, peut-être. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai assisté aussi à une conférence de Bernard. Puis c'est ça, ça me parlait vraiment, là. Mes parents rencontraient beaucoup de gens. Puis c'est ça, assis autour d'une table, il y avait beaucoup de discussions. Moi, étant petite, je faisais semblant d'être couchée dans mon lit, mais j'écoutais toutes les conversations cachées dans l'escalier. Oh! T'étais curieuse! Oui! Oui. Puis c'est ça, ça m'énergisait d'écouter des conversations. Puis c'est ça, T'sais ça, j'ai toujours été dans un mouvement de conscience, puis individuel beaucoup. Je suis pas... Mais là, toi, tu étais exposé jeune à ce matériel-là, parce que, dans le fond, en réalité, c'est indirectement tes parents qui t'ont exposé à ça. Oui. Fait que toi, t'as, oui, t'as grandi avec ce matériel-là, tu sais, à différence de d'autres personnes qui, en révolte aux parents, ben là... Que les parents étaient dans la religion, ben là, ils vont s'intéresser au supramental ou au nouvel âge. Mais toi, tu avais déjà le support d'un de tes parents qui s'intéressait à ça. Exactement. Puis j'ai vécu... c'est sûr, j'ai eu ma période rebelle à l'adolescence, mais j'ai vécu beaucoup de discussions, beaucoup de... Avec mes parents, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions ouvertes. OK. Oui. C'est. J'étais très encadrée, mais j'avais quand même accès à une réalité au-delà de ce que les autres pouvaient vivre, là. J'avais une vision différente déjà à cette époque. Puis. Quand tu étais en contact avec le matériel de Bernard alors que tu étais jeune, ça devait créer un contraste entre toi et tes autres amis de ton âge? Ben nécessairement, oui. Des conférences, tu sais, j'en écoutais par la bande parce que avec les cassettes de ce que mes parents écoutaient. Mais sans trop, là, je peux pas dire que j'étais vraiment en contact, mais j'écoutais beaucoup. C'était surtout par l'entremise de mes parents directement que j'avais cet enseignement-là. Par rapport aussi à leur expérience, eux cheminaient là-dedans aussi. Puis, de fil en aiguille, là, je dirais, comme la jeunesse du réel, j'ai commencé à la lire, j'avais peut-être 27 ans. Okay. Peut-être avant, je l'ai peut-être feuilleté, mais plus aux 27, 28 ans, là, c'est comme ça a été plus intensif. Là. Mm-hmm. J'ai accès à la Genèse. Après ça, j'ai acheté par moi-même là, les autres livres de Bernard. J'ai participé au forum de conscience supramentale internationale. Oui, le forum mondial de la conscience supramentale de Donald Moses, là. Mm-hmm. Fait que j'ai participé un peu à ce forum-là, pas très longtemps, mais j'ai fait quelques écrits, je lisais. J'avais accès à des enregistrements de Bernard à l'époque, là, on n'avait pas... Mais avant, j'avais pas Internet. Fait que j'écoutais les cassettes publiques. J'ai accès aussi à des cassettes privées. Parce qu'il y avait... Ça, c'est mes parents me disaient, on va te donner accès aux cassettes publiques, mais plus tard, quand ça va être le moment, tu auras accès aux cassettes réservées aux séminaristes. Donc, oui, c'est seulement les gens qui avaient fait le séminaire qui pouvaient avoir accès à ça. Oui. Fait que j'ai eu accès à ça. OK. C'est ça, par la suite, là, de fil en aiguille, là, j'ai... Tu sais, avec Internet, là, on fouillait un peu partout. Bon, Sandra Vimont, toi, mm-hmm. David. Oui. Fait que c'est ça, ça n'a jamais vraiment... J'ai tout le temps été dans cette conscience-là, puis c'est ça, j'ai une de mes tantes aussi. Quand on se rencontre ou on se parle, c'est comme naturel, c'est que quand on va avoir un sujet de discussion... Sans parler de conscience, dire on se parle de conscience, c'est automatique. On peut pas parler juste de la pluie et du beau temps, là. Mm-hmm. On va toujours plus loin, on va plus loin, on va regarder en arrière des formes, on va regarder en arrière des expériences, on fait une étude, là. On a tout le temps été à l'étude des événements dans notre vie, soit au niveau familial ou au niveau personnel. Fait que c'est vraiment intéressant ce niveau-là. Oui, parce qu'en étudiant les événements, ça permet d'intégrer la charge énergétique qui sous-tend, puis de voir plus clair par rapport à la situation. Mmh. Exactement, puis c'est ce qui fait évoluer. Exactement. Parce qu'à travers l'intégration de l'énergie que sous-tend l'événement, par exemple, oppositionnel, parce que souvent, quand on se penche sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui nous pose problème ou qui fait pas l'affaire de notre ego. Donc, c'est souvent à travers ça que ça nous amène à nous ajuster en tant qu'ego pour devenir plus transparent, pour voir plus clair. Donc, c'est sûr que l'étude aussi, c'est infini, parce qu'après tout, l'esprit, c'est infini. mm-hmm. Donc, il y a toujours, dans la dynamique évolutive, place à aller plus loin. C'est ce qui est intéressant. On n'est pas plafonné. Parce que quand on étudie une forme, comme par exemple, si on étudie un cours de conduite, ben à un moment donné, on a fait le tour. Ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau vibratoire, ben il y a toujours un renouvellement qui est possible parce que tout bouge tout le temps, puis la vibration change avec le temps, ce qui nous amène aussi à s'ajuster par rapport à son changement. Mm-hmm. Ah, c'est infini. Exactement. C'est ce qui est intéressant, parce que les discussions sont jamais plates. Non, exactement, puis ça se renouvelle. Dans le sens qu'on peut faire une étude aujourd'hui, par exemple, sur l'évolution de l'éducation. Mm-hmm. On peut en faire une autre dans 2 jours, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 200 ans, puis voir d'autres éléments qu'on peut canaliser qui vont émerger pour bonifier la conversation dans l'optique de rehausser la compréhension qu'on peut avoir du phénomène de l'éducation. Oui. Ah, c'est toujours en renouvellement. Oui. Je vais dans ta direction. Bon. c'est sûr que c'est intéressant de discuter en interface, parce que si on se branche sur l'esprit, on peut venir à un point où ce qu'on capte simultanément la même chose. Mm-hmm. Puis si on se synchronise avec le temps, puis on a plusieurs discussions ensemble, il peut arriver à un point où un ou deux peut commencer une phrase et l'autre la compléter. Oui, comme c'est ça ce que tu viens de dire exactement, je l'ai perçu avant que tu le dises. Bon. Et le contraire est vrai aussi, parce que le Oh. phénomène de la synchronisation psychique, c'est de s'ajuster à l'autre, tout en étant les deux branchés sur le même esprit, donc la même conscience universelle qui va tout simplement servir de nous comme de canaux. C'est ça, il y a un pont qui se fait entre nous, puis Exact. c'est ça descend. Puis plus qu'on est capable d'être transparent en tant qu'ego, puis plus qu'on peut laisser circuler l'énergie, puis plus qu'on peut capter la même chose avec clarté et précision. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à vivre comme phénomène parce que ça crée de la dynamisation sur le plan psychique. Oui, on le sent présentement. Bon. Donc, c'est sûr que la dynamisation sur le plan psychique va amener une vitalité, un renouvellement qui est au-delà de ce qu'on peut connaître lorsqu'on parle en se référant continuellement à du passé ou à du mémoriel. Oh oui, ou des faits courants de la vie, ce qui se passe à la télévision, les nouvelles. Ouf, ça c'est comme tu sais, comme là je fais juste parler de ça, puis c'est on sent déjà l'énergie qui baisse. Ben, je captais une lourdeur dans ta voix, Oui, là. ouais. Donc, en effet, c'est sûr que la télévision, en tout cas en ce qui me concerne, plus que je m'intériorise, puis moins ça m'intéresse, puis moins je me sens perturbé par les événements que je vois à TV. Ben, à Autrefois, une oui, époque, oui, c'est ça. Moi, vas-y. ça m'amène à dire qu'à une époque, j'étais troublée parce que je voyais aux nouvelles, ça venait me chercher toutes les, ben, surtout ce qui arrivait au niveau de l'humanité, là. Tu vois les aberrations qui se passent, puis tu dis comment ça se peut. Puis ça venait me chercher en dedans. Je vivais des émotions par rapport à ça. Puis maintenant. C'est terminé, ça. Je me dis, bon, ça, c'est l'expérience. Ça doit être vécu comme ça, avec du recul, là. J'embarque plus dans l'émotion de ce que les chaînes télévisées veulent nous faire gober, là. Comme TVA dit, pour pas le nommer, Ouais. dit diffuseur d'émotions. Exactement. Ah, ils disent carrément, là, C'est ils se leur cachent pas, là. slogan, là. Actuellement, là, les gens pouvaient faire une recherche sur Google. Récemment, je me suis amusé à faire l'exercice avec ma mère. Là, j'ai dit, on va regarder ça tranquillement, là. C'est marqué diffuseur d'émotions. Pas diffuseur de vibrations supramentales, là. Non, Donc, non, leur but, émotion. c'est de diffuser l'émotion. Puis là, il crée des bulletins de nouvelles qui sont mis en scène, un peu comme, par exemple, une émission de téléroman. Donc, l'animateur, par exemple, Pierre Bruno, de TVA à Montréal, va dire, le drame a encore frappé. Tout le Québec a été branlé par cet événement. Donc, Non, moi, pas j'ai dans pas mon été salon. ébranlé. Pas dans mon salon. Non, non, ben c'est ça. Moi non plus, j'ai pas été ébranlé, mais ils cherchent à trouver des formules inclusives pour que toi-même, tu sois ébranlé. Ouais. Avec la suggestion, c'est un peu comme l'hypnose, tu sais, on va dire à quelqu'un, vous avez les paupières lourdes, vous êtes fatigué, mais alors on te suggère, tu es ébranlé, le choc a frappé, donc un drame épouvantable. Ils en mettent. Puis, il veut inclure les gens dans une dramatisation émotionnelle. Puis là, ça me faisait penser au Doc Mayhew, le célèbre psychiatre québécois, qui Oui, oui, disait, oui. suite à la mort de René Angélil, il y a plein de monde qui ont dit dans les médias, tout le monde est ébranlé, puis il dit, pas moi. Au moins, il est pas C'est ça. hypocrite, il fait pas semblant de pleurer parce que le mari de Céline Dion est décédé. Il dit, non, moi, ça m'a pas ébranlé. Il dit, par contre, si un de mes lapins serait mort, vu que j'étais attaché à lui, ça m'aurait ébranlé. J'ai apprécié son honnêteté, puis ça m'a fait tellement rire. Parce que souvent dans les médias, une forme d'hypocrisie qui est là. Tu sais, les gens prennent un ton dramatique, puis la façon qu'ils présentent ça, pour créer une tension, Oui, un puis peu comme un ça film. ramène des, c'est ça ramène des souvenirs chez les gens, ça Oui. crée des, ça ravive des mémoires, puis là, les gens sont interpellés par La vue aussi, c'est toutes les sens sont hyper stimulés avec les écrans, l'oreille, l'ouïe, la Exact. vue, c'est incroyable, ils sont magnétisés à un point tel que sur les écrans, tu sais, autant les écrans dans la façon de les utiliser, les médias sociaux, ça peut être bénéfique quand quelqu'un les utilise avec discernement, que quand il n'y a aucun cadre ou aucune façon de faire, là, ça peut être tellement hypnotisant. Ben oui, puis absorbant, c'est comme une forme de Oui. possession. Oui. Tu sais, t'écoutes un film, puis t'as l'impression de vivre le film, puis le personnage principal est triste, puis les gens se mettent à pleurer quand ils voient ça, là. C'est sûr que là, tu vois, il y a un développement des écrans, là, qui est très grand, là, tu sais. Aujourd'hui, t'es rendu avec la 4K, puis t'as de plus en plus de résolution, plus de détails, plus d'effets spéciaux, plus de sons. Fait que les formes sont de plus en plus fortes pour absorber l'individu. C'est sûr que la personne qui est fascinée par un film d'action avec un paquet de bagarres puis de rebondissements, ben souvent elle va être moins présente à l'écoute de sa sensibilité si la personne n'est pas intériorisée au préalable. Donc, elle va être absorbée par l'extérieur beaucoup plus qu'autrefois où c'était des films en noir et blanc de manière analogique. Oui, tout à fait. Ah, tout est hyper. La stimulation est à son maximum, là. Oui, exactement. Il y a un déferlement de forme qui est fait. C'est sûr qu'il y a certaines forces astrales qui sont derrière ça, parce qu'ils cherchent à avoir l'attention de l'être humain en la tournant vers l'extérieur Ouais, pour... parce que la conscience est là, puis il aime pas ça. Ben, c'est ça. Plus que la conscience de l'esprit va chercher à descendre sur Terre, puis plus qu'eux autres vont multiplier les entreprises pour retarder son intégration. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est ça amène un certain chaos, hein, parce que ils veulent pas voir la descente de cette énergie-là. Puis Exactement. Parce que ça représente le fin de leur règne. exact. Donc, les forces astrales sont plus en puissance lorsque les gens intégreront l'esprit, parce qu'à ce moment-là, les gens ne vivront plus en fonction de la peur, de la soumission à l'autorité astrale, parce que les gens vont entrer dans leur propre autorité, puis éventuellement, il y aura la mise en place du gouvernement supramental, ce qu'on appelle aussi la régence Ouais. planétaire, qui va faire la gestion des éthers de la Terre. Au lieu que ce soit laissé en débarras à des entités astrales de différents degrés qui en font l'administration présentement. Oui, exact. Donc, on vit dans un contexte de tension médiatique de plus en plus présente, avec notamment des émotions, c'est le cas de le dire, avec des bulletins de nouvelles sensationnalistes, avec... Et l'astral se nourrit d'émotions. Oui, c'est ça. Donc, plus que les gens vont vibrer à la peur par rapport à un événement, puis plus que à ce moment-là, l'astral peut mettre en vibration des producteurs de télévision, d'émissions, pour présenter des scènes dramatiques. Tu sais, c'est comme récemment, je discutais avec ma mère. Donc, il y a un certain nombre de jours, il y a eu un incident important à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Donc, il y a un homme qui est monté sur scène pour poignarder un prêtre, là, pendant Oui. qu'il faisait sa messe, là. Il était en train de parler là, devant la foule et c'était filmé. Donc, on voit clairement le gars monter sur la scène et poignarder le prêtre. Et ce qui est particulier, puis je disais ça à ma mère, j'ai dit, c'est bizarre leur affaire parce que on voyait le comment qu'on appelle ça? Le journaliste qui présentait l'événement, dire, on vous avertit, là, les scènes que vous allez voir dans les prochaines minutes pourraient choquer certains auditeurs ou sont insoutenables, là. Mais c'est Donc, ce qui attire à ben c'est ça, regarder. il faisait l'avertissement, puis après ça, il présente ça, puis après ça, dans les jours puis les heures qui ont suivi, il remettait tout le sang en boucle. Fait que là, tu voyais que c'était paradoxal. Parce que d'un côté, voyez pas ça, regardez pas ça, là, parce que c'est choquant, faites attention, mais on vous le montre. Il y a comme un côté. Mais c'est ça, dans le fond, c'est regardez-le, on veut que vous le Ben oui, parce regardiez. que c'est bon pour les codes d'écoute, c'est une scène extrêmement dramatique. Un homme qui va poignarder un prêtre, là, puis là, il y a des gens, on voyait dans la foule qui se mettaient à crier. Puis là, ça peut faire vibrer à la peur. Tu sais, les personnes âgées qui vont à messe, qui voient ça, ben, ils peuvent avoir peur que ça se reproduise chez eux. Mm-hmm. Donc, ça peut créer de l'anxiété. Oui, c'est ça. Mais c'est l'effet de polarisation. Quand on dit « fais pas ça, regarde pas ça », ben c'est attirant, tu sais. Ça risque de choquer. Ben, les gens deviennent de plus en plus curieux. Il y a comme un effet de magnétisation qui fait que les êtres humains vont être portés à aller voir parce que la curiosité, hein, c'est... Ouais. Mais ça va être plus fort qu'eux. Il va y avoir une force derrière ça qui va les amener à aller voir. Exactement. Donc, c'est un peu l'attrait de l'interdit, là. Mm. C'est un peu une espèce d'injonction paradoxale. À regarder surtout pas ça. Puis là, ouais. Là, ça crée la curiosité. Mais il y a un côté comme sadique aussi là-dedans, je trouve, parce que c'est ce que je disais à ma mère, c'est que d'un côté, on faisait l'étude de tout ça au téléphone. D'un côté, ils disent c'est insoutenable, c'est comme on dénonce ça, mais on le montre, puis on n'arrête pas de le montrer. Mais ça l'amène aussi une insensibilité par rapport à des visions de ces événements-là. Parce qu'à un moment donné, tu deviens saturé de voir tellement de violence qu'il y a des êtres qui deviennent saturés, puis que d'en voir, ça fait « Ah, oh, il s'est fait tuer, il s'est fait poignarder, un autre de plus. » Oui, ça peut amener une banalisation, ouais. Oui, ils deviennent insensibles jusqu'au moment où est-ce que là, c'est proche de chez eux, puis oups, là, ça amène un choc autrement. Mais oui, ça amène une banalisation aussi. Ah, oh, c'est normal, ça arrive tout le temps. Ça arrive souvent, c'est tout le temps ça. Puis que. Ouais, il y a un effet de banalisation. Exactement. Parce que c'est sûr que, dans le fond, quand on fait l'étude de l'événement, que ce soit aussi par rapport à des événements en choc, là, comme des attentats terroristes, il va y avoir derrière ça l'influence de forces qui cherchent à perturber l'humanité. Faire vibrer l'humanité à l'émotionnel. Donc, des forces qui manquent d'ajustement par rapport à l'esprit, qui vont mettre en branle des événements qui vont perturber les masses, surtout si c'est amplifié par les médias. Donc, il suffit qu'il y ait un attentat terroriste, quelqu'un qui se fait exploser avec une bombe, puis là, c'est vu par des milliers, voire des millions d'individus. Bien là, si ça fait des millions de personnes qui vibrent à la peur, les entités qui sont derrière l'événement, donc, qui ont envoyé la pensée à l'individu parce que la pensée vient d'ailleurs de faire l'attentat terroriste. Pour eux autres, c'est un gain qui est très rentable. C'est un bon placement. Mm-hmm. Parce que ça permet de produire comme fruit une grande quantité de personnes qui vont vibrer à la peur par la suite des attentats terroristes. Puis les gens vont être déstabilisés par ça. Donc, à ce moment-là, ils vont se laisser faire par la peur puis dévitaliser de leur énergie vitale. Ah, tout à fait. Fait que ça, en parlant de ces choses-là, ben ça fait voir un peu la dynamique dans laquelle on se trouve. Tu sais, la société, présentement, est sous l'influence de médias de masse qui conditionnent ses comportements, conditionnent même qu'est-ce qu'elle va avoir peur, tu sais. Ouais, puis dans un autre sens, c'est fait pour être comme ça aussi. Parce que... Ben, il faut que l'humanité passe par là. On peut pas... J'ai déjà entendu tout est parfait, tout est déjà orchestré, tout est planifié. C'est dans le fond, c'est la programmation. Exactement. Mais c'est ça, dans un sens, tout sert à l'évolution, parce que les gens, à un moment donné, ils vont saturer de vibrer à la peur, là, tu sais... parce qu'à un moment donné, c'est très dévitalisant. Tu sais, quelqu'un qui s'empêche de dormir ou il y a le sommeil plus léger ou devient obsessif parce qu'il a vu un bulletin de nouvelles avec un attentat terroriste, ben, à un moment donné, ça se peut qu'il s'oppose au fait de donner au pouvoir à l'événement de le déstabiliser. Tu sais, on peut regarder les choses froidement en disant, bon, ces gens-là vivent cette expérience-là, mais si moi je me mets à vibrer à la peur chez moi ou à pleurer, ça apporte un rien de créatif. Ça permet pas à ces gens-là de régler leurs problèmes, puis ça me crée un problème. Mm-hmm. Oui, puis c'est comme aussi, ça m'amène à parler des... On parle de violence, les enfants avec les jeux vidéo. Souvent, sur les jeux vidéo, c'est écrit 16 ans et plus, ou ils donnent... Ouais. Mais les parents ne s'occupent pas de ces contraintes d'âge-là. C'est que 7 ans, 8 ans, 6 ans, même, il y a des enfants ils jouent au jeu, c'est incroyable. Ils sont déjà habitués à voir une telle violence, puis même à, c'est ça, à vivre parce que par l'entremise du jeu. Ouais, ben ça fait vibrer leur âme à cette violence-là. Oui. Puis ça développe une insensibilité aussi à ce niveau-là, en bas âge. Oui, parce que ça peut créer une forme de dénaturation psychique. Dans le sens que l'être humain en vient à penser que des choses qui sont anormales du point de vue de l'esprit sont normales parce que la personne est sous influence astrale et conditionnement astro qui lui permet d'accepter ce qui objectivement est inacceptable. Oui. C'est sûr qu'un phénomène de colonisation psychique s'opère présentement sur Terre par rapport aux médias de masse sous influence astrale qui vont introduire dans la psyché des individus certains concepts qui sont retardataires. Donc, c'est sûr que si on en regarde par rapport à différentes modes qui impactent le collectif, ou on n'a pas besoin de chercher très loin, là, on a juste à regarder par rapport à la peur qui est véhiculée à l'égard du terrorisme, à l'égard aussi, que ce soit les catastrophes naturelles, etc. Donc, tout ce qui est parlé de manière à faire peur à l'être humain, puis à le garder dans un état d'impuissance, c'est tout ça qui l'amène à se dévitaliser de ses énergies vitales. Mais c'est ça, quand on parle des catastrophes naturelles, tu sais, moi... En observant ce qui se passe, il ne faut pas se fermer les yeux non plus. Sans être, c'est ça, sans être dans la peur. Exact. On sait que la Terre est en changement. Là, il va y avoir des gros chocs au niveau des masses qui vont se faire, puis ça va amener un certain éveil, là, parce que les gens, c'est ça, sans ça, il y en a qui ne pourront pas s'éveiller autrement, là. Oui, exactement, parce que plus qu'une personne dort dur, et plus que ça prend un choc inversement proportionnel pour qu'elle puisse s'éveiller. C'est ça, par la souffrance terrible. Il y en a qui vont vivre des petites souffrances, on va les amener à regarder derrière l'événement qu'ils vivent pour comprendre, mais il y en a d'autres, ça leur prend, c'est ça, ils dorment dur, puis ça leur prend un terrible de choc pour se réveiller. Là, un saut d'eau froide dans le visage là pour faire un... les sortir du lit, là. Exactement, c'est drôle parce que c'est l'image que j'avais en tête, puis j'ai déjà utilisé ça dans une autre émission, mais c'est souvent celle-là que j'aime utiliser pour décrire la situation. Dans le sens que si quelqu'un dort d'une manière légère, ben on peut murmurer « Réveille-toi à l'oreille ». Mais s'il dort profondément, on peut parler plus fort, puis on peut y envoyer un saut d'eau sur la face, puis il va se réveiller. Méchant saut. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si un peuple dort profondément puis est constipé dans des formes historiques ancestrales de plusieurs millénaires, ben si la personne ne se fait pas garocher un seau d'eau, mais plutôt un tsunami en tant que peuple, c'est sûr que s'il y a des méga inondations qui ont l'impact de plusieurs individus, c'est sûr que là, ils vont être obligés de se repositionner puis de se redéfinir. Ça, c'est clair. Ah oui, ça amène... t'as pas le choix. Puis si ces événements-là amènent pas là, ben la personne va en vivre d'autres, puis ça va s'accentuer, là. Oui, exactement. Parce qu'après tout, les oppositions vont amener l'ego à s'ajuster tant aussi longtemps qu'il sera pas parfaitement ajusté à l'esprit. Parce que quand il va être ajusté à l'esprit, il va être inébranlable parce qu'il va bénéficier de la vibration de l'esprit pour le supporter dans sa centricité. Mm-hmm. C'est intéressant. C'est ça, l'expérience se répète. Jusqu'au moment, là, il y a comme la personne s'assoit et dit OK, j'observe ça, là, ça. Non, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis prennent des décisions, fait des actions dans sa vie pour contrebalancer. Oui, exactement. Tu sais, ça la sort la personne de l'inertie, puis elle va faire des actions qu'autrement, elle ne ferait pas dans le passé. Mm. Donc, les oppositions peuvent amener une dynamisation psychique de l'individu pour sortir de son carcan, des formes dans lesquelles il est poigné, qui est coincé depuis plusieurs années. Oui. Donc, à travers Ouais, le... Oui. la souffrance t'amène automatiquement à te regarder. Exact. Si tu souffres pas assez, ils vont te faire souffrir assez pour que tu t'ouvres. Il y a une brèche qui s'ouvre à quelque part pour dire une petite brèche de lumière, là. Exactement, mais plus que l'individu est sous l'influence d'une grosse croûte, j'allais dire une crotte astrale, plus que la couche est épaisse, là, d'astral qui l'englobe, là, dans son aura, puis plus que ça prend une puissance de pénétration psychique du rayon de lumière pour perforer ça. Ah oui, c'est. Ah ouais. Ou t'as assez souffert que ça vient de l'intérieur, puis c'est comme un volcan, puis ça explose, là. Ouais, la personne peut connaître une mise en vibration, puis elle s'allume comme un feu. C'est ça. Donc, Moi, je vois le volcan, là. C'est sûr que la personne qui vit beaucoup de pulsions, ça peut l'amener à monter en colère, puis avoir le feu au cul, pour employer une belle expression québécoise, puis à ce moment-là, avoir une audace qu'elle n'avait pas avant. Ouais. Donc, qui va lui permettre de sortir de la mécanicité psychologique. De trancher une fois pour toutes, puis de c'est ça, c'est par la souffrance aussi au niveau du mental, hein. Toutes les pensées qui passent, tu es tellement absorbé dans ces moments-là, il y a tellement de pensées qui passent, puis d'émotions que c'est fou, là. Tu t'en sors pas, puis à un moment donné, il faut que tu tranches. Il faut que tu aies une décision à prendre, tu n'as pas le choix de prendre la décision. C'est ça ou dans ton mental, ça va être l'enfer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient une nécessité évolutive de trancher. Oui. Parce que la tension de la souffrance est trop grande pour que la personne soit en état de déni ou de procrastination. La personne est obligée de le voir. Oui. Fait que C'est ça, à ça. ce moment-là, il y a comme plus de doute. Exact. Il faut agir. Il faut agir. Si tu n'agis pas, ça va continuer, là. Ça va s'amplifier. Mais c'est comme la personne est pleine. Moi, j'aime ça comparer ça à une vessie, là. Donc, quelqu'un peut avoir. C'est sûr que les gens, des fois, ils vont peut-être trouver grossière mes images, mais je les trouve tellement parlantes que je vous les partage. Mais bon, quelqu'un peut avoir envie d'uriner. Puis, c'est sûr que ça fait un certain nombre de temps, une demi-heure. Ah, je tolère ça. Ça fait 3 quarts d'heure. Là, c'est un peu plus tendu. 1 heure, un peu plus tendu. Mais à un moment donné. Quand la vessie est pleine, la personne n'a d'autre choix que d'aller uriner. Ouais, pas le choix. Elle peut pas passer à côté parce qu'à un moment donné, la vessie va exploser. Donc, c'est une nécessité. La personne peut remettre à plus tard un certain nombre de temps, mais tôt ou tard, elle devra agir en unité avec l'esprit pour entamer un mouvement qui va favoriser la libre circulation de l'énergie. Oui. Ah, Donc, c'est une très bonne image. bon. Je t'ai pas choqué? Non, pas du tout. Bon, c'est bien. Donc, c'est sûr que le point, c'est qu'on peut accumuler pendant un certain nombre de temps dans notre vie, mais éventuellement, ça peut pas durer éternellement. Non, non, non, ça déborde. Ça Exactement. c'est ça, puis ça sort de toutes les. À un moment donné, la personne, elle devient en réaction, ça sort tout bas, tout côté. En réaction à son environnement, tu peux pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui explose à quelque part, tu sais. Exact. C'est sûr que plus la personne va monter en sensibilité puis en intégration de l'énergie de l'esprit, puis plus qu'elle va être capable de s'ajuster à mesure au lieu de refouler puis d'accumuler, puis à un moment donné d'exploser, là. Ou de sombrer dans une dépression. Oui, qui est l'état de l'implosion d'une énergie non exprimée. Parce que souvent, derrière la dépression majeure, il se cache la décision majeure qui n'est pas prise. Ouais. Autrement dit, la personne aravale puis est déprimée parce qu'elle fait pas ce qu'elle a à faire par rapport à C'est ça. l'esprit. C'est ça, elle s'empêche de se reconnaître elle-même et de se voir aller comme elle doit aller. Ah, c'est ça, c'est un refoulement incroyable. Exactement. Parce qu'au lieu d'extérioriser l'énergie, elle la retourne contre elle. Oui. C'est ça qui amène la dépression. C'est un manque de circulation de l'énergie, mais si tu utilises l'énergie et tu la laisses circuler librement, la personne ne sera jamais déprimée parce qu'elle va être fluide. Puis tu penses protéger les autres en gardant cette énergie-là, en la faisant pas circuler. Tu dis, ah, oh, ben, j'en parlerai pas à personne, je vais tanner les gens avec ça. Au contraire, là. Ouais, puis ça prend un exutoire aussi. Parce que la personne, elle garde tout pour elle, puis est beaucoup dans un mouvement de retenue, ben, c'est sûr que c'est elle qui en paye le prix énergétique. Parce que tout blocage à la libre circulation de l'énergie, tôt ou tard, va éclater. Parce que la minute que la personne est travaillée par l'esprit, l'esprit qui descend en elle va chercher à l'amener à être à son image, c'est-à-dire à un être qui est libre de la forme et qui est fluide sur le plan énergétique. Oui, puis ça amène, moi, ce qui m'amène à dire, c'est que la dépression, comme la personne qui va exploser, ça peut amener des gens qui vont compenser par l'alcool, par la sexualité. Tu sais, dans les deux sens, dans les deux extrêmes, il va y Oui. avoir de la compensation parce que l'énergie, il faut qu'elle circule à quelque part, puis ils vont aller décharger ces énergies-là par l'entremise d'activités quelconques ou de consommation quelconque, mais ce qui fait que ça ne réglera pas rien, là, ça va même amplifier leur état. C'est Ouais, ça, ben ça va être redans. sont Ouais. loin de la centricité, là, sont totalement des opposés. Non, exactement. Parce qu'en réalité, ça va retarder les gens dans leur évolution. Parce qu'au lieu de voir ce qu'ils ont à voir pour régler leurs problèmes, ben là, ils vont focusser, que ce soit la sexualité, la drogue, la cigarette, peu importe, de différentes La choses. nourriture, Oui, exact. En fait, ils vont la se. musique, Ouais. n'importe quoi. Exactement. Tout peut servir à divertir l'être humain de sa source. Ah, les voyages, les randonnées extrêmes, tout ce qui est fait de façon pour, c'est ça, je partais pour dire d'épauler. C'est le terme qui m'est venu. OK. Quand as-tu déjà entendu ce terme-là, quand on dit on d'épaule? Comme Non. on décharge notre énergie, on. Ouais. On dira au lieu d'épauler. C'est parce que la compensation, ce qui me vient en tête, c'est que ça arrive quand l'être humain est pas capable d'assumer son mouvement naturel. Fait que là, à ce moment-là, il est sous influence astrale, puis son énergie est diffractée par le plan astral qui récupère ça. Ah, puis il récupère en titi, hein? Ben oui, il y a plein de gens en société qui compensent. On a des problèmes de dépendance, que ce soit aux médicaments, alcool, toxicomanie, ainsi de suite, parce que le réel peut être extrêmement souffrant, puis les gens préfèrent se geler dans quelque chose plutôt que de l'assumer froidement avec lucidité. Ils vont avoir un certain réconfort en faisant ça, bref. Puis c'est ça, après ça, c'est la descente, là. Ça continue à descendre. Ben oui, parce que pendant que la personne compense, elle s'attaque pas au problème de fond pour le régler. Donc la situation se dégrade, ouais. C'est ça, comme tu amenais tantôt, là, la couche est super épaisse. Là. Tu sais, tu as un œuf autour de toi, là, Oui. puis l'œuf de dinosaure, là, il est tellement épais que la carapace, c'est dur d'aller chercher dans le fond le vrai, vrai petit bobo ou le gros bobo qui fait en sorte que ça s'est accumulé au fil des années. Oui, exactement, parce que ça peut amener la formation d'une carapace caractérielle. Donc, c'est sûr que la personne a se dépollué, puis plus que la couche est épaisse, puis plus qu'il va falloir qu'elle travaille fort pour se dépolluer, puis s'assumer dans son intégralité en tant qu'être, là. Oui, il faut avoir la volonté de s'en sortir. Exactement. Mais c'est ça, comme j'amenais à dire, comme c'est la programmation de l'être aussi, là. Oui, la personne peut être programmée pour vivre certains événements. C'est sûr que si l'ego a de la difficulté à composer avec ces événements-là, puis il a tendance à se réfléchir, ben c'est ça qui va créer la couche énergétique. Ouais, mais Ça va se densifier. oui. C'est le mot qui m'est venu. Ça se densifie dans. Ouais, t'es. Oh, la lourdeur, je vois la lourdeur, la densification de l'être, là. Oh oui, c'est une rigidification énergétique. Il me vient en Ouais. tête l'image de la fameuse toile d'araignée. Au début, quand l'araignée tisse une toile, ben, c'est un fil qui est mince. Mais si les éléments de la toile, c'est-à-dire le mémorial astral, se rigidifie, mais à un moment donné, ça vient aussi fort qu'un poteau électrique en métal. Ouais. Parce que ça prend de l'ampleur. Tu sais, à force de répéter un comportement d'une manière machinale, routinière, ça s'ancre dans l'individu, puis avec le temps, ben, ça prend de plus en plus de place. Puis ces personnes souffrent tellement qu'à un moment donné, la souffrance, elle ne ressemble plus ou à des moments, à certains moments, en période de consommation, les sentiments refoulés vont revenir, puis en période de lucidité, ils voudront pas en parler, là. Non, exactement. C'est sûr que de s'assumer en tant qu'être, c'est très difficile pour beaucoup d'êtres humains sur Terre parce que ça demande la capacité de regarder le réel puis de le supporter. Tu sais, il y a un adage qui dit « Quelle dose de réalité êtes-vous prêt à supporter? » Mais c'est pas évident d'être transparent envers soi puis de regarder les vraies choses dans sa vie sans se raconter de mensonges, sans embellir. C'est un défi de taille pour beaucoup d'êtres humains. Mais c'est ce qu'appelle la nouvelle psychologie à vivre à l'être humain en voie d'évolution, donc la psychologie évolutionnaire, la psychologie supramentale qui s'intègre chez certaines personnes qui en ont la sensibilité. Ben, le travail qu'elle vise à faire, c'est d'amener les gens à être en contact avec le réel, puis de regarder ce qui se passe réellement dans leur vie, puis arrêter de se raconter des histoires, puis de la désinformation, puis du mensonge. Oui, puis se fermer les yeux à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive. Ah, oh, c'est pas grave. Ah, oh, c'est pas grave. Tu sais, tu te mets des œillères à chaque fois, là. Exact. Comme le cheval de course qui a ses petites œillères sur le côté pour pas voir, là. Mais là, tu t'en mets à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu t'en mets une couche, une couche, une couche, là. À un moment C'est donné, ça, tu. tu vois plus clair. Ben non. Il y a tellement de voiles de vent. Tu as tellement fermé les yeux souvent que c'est très difficile de t'en sortir. Exact. Donc à ce moment-là, la crise devient nécessaire. Oui. Donc, un événement choc qui amène l'individu à vivre une crise, une remise en question fondamentale, qui fait en sorte que sa manière d'être n'est plus viable, n'est plus fonctionnelle. Ça devient une nécessité évolutive parce que sans ça, la personne s'enlise dans une mouvance où ses œillères sont de plus en plus fermées puis elle voit de moins en moins clair. C'est une forme d'entropie. Oui, puis c'est ça, faut pas avoir peur d'aller chercher de se faire écouter, des gens qui peuvent nous écouter. Oui, puis de se manifester dans la parole aussi. Oui, parce qu'en parlant, on apprend beaucoup. Oui, exactement. Donc, c'est à travers la parole qu'on se donne à savoir. Et puis, ben, c'est sûr que si on parle avec d'autres personnes, il y a un adage qui dit qu'on n'est pas intelligent tout seul. Donc, on peut bénéficier de l'intelligence d'autrui. C'est sûr que le phénomène de l'étude supramentale à travers la parole peut être une façon d'intégrer les événements, les expériences dans nos vies qui peuvent être confrontants pour nous amener, au lieu d'être dans l'évitement, à regarder clairement qu'est-ce qui se passe, puis de s'ajuster aux choses qui doivent être faites en relation avec ça, s'il y a lieu, là. Oui, puis quand tu intègres une expérience, tu fais un ménage des mémoires, là. Il y Exact. a vraiment, y a vraiment un ménage qui se fait, puis pour que cette expérience-là soit vraiment intégrée, toutes les mémoires doivent y passer. Puis à ce moment-là, lorsque tu vas être confronté à une autre expérience du même type, tu vas la voir venir, puis tu t'embarqueras pas dedans. Oui, exactement, parce que y a un phénomène de saturation expérientielle qui se fait. Fait qu'à ce moment-là, la personne est moins décentrable qu'avant. Donc, plus qu'elle est capable d'intégrer l'énergie de l'événement en restant stable psychiquement, puis plus qu'un événement similaire auquel elle peut être confrontée, va être moins déstabilisant pour elle, parce que c'est du déjà connu. Donc, Ouais, puis là, les motifs entrent pas en ligne de compte. non, c'est ça, elle vit moins émotivement à mesure que l'intégration événementielle se fait. Tu sais, dans le concret, ça peut être, admettons, quelqu'un qui fait un voyage ou se déplace en automobile puis parcourt plusieurs kilomètres, là, tu sais, ça peut être un 4 heures ou un 6 heures de route. Si la personne a fait ça dans sa vie une première fois, ça se peut qu'elle vive du stress, Quand ça fait deux fois, ben moins stressé. Trois fois, encore moins. Parce qu'il y a une intégration qui se fait au fil du temps que la forme de voyager sur plusieurs kilomètres n'est plus déstabilisante pour elle. T'sais, ça peut être d'autres choses pour une autre personne. Il y en a, le voyage, ça ne déstabilise pas du tout. Ça les stimule au contraire. Il y en a d'autres, Mais c'est le il y a couple. une Ouais. confiance qui s'installe aussi. Exact. Une confiance du parcours, tu connais le parcours, c'est comme tu es sur un pilote automatique, là. Ouais, quand c'est le même parcours. Mais l'intégration peut se faire aussi par rapport au voyage en général, dans le sens que quelqu'un peut prendre un autre parcours puis être parti pendant plusieurs heures, puis ça ne déstabilisera pas autant que si c'était la première fois qu'il faisait ça, même s'il ne connaît pas la destination. OK, oui. Mais c'est sûr qu'éventuellement, lorsque l'être humain réfléchit plus la forme, que ce soit le voyage ou que ce soit autre chose, ben, il y a plus. Éventuellement, en fait, ce qui me vient en tête, c'est que l'esprit vise à ce que l'être humain sature de la forme puis qu'il devienne un sourd d'image, c'est-à-dire indéstabilisable par la forme. Ouais, autonome. Exact. Pas parasité de tout bord, tout côté. Non, c'est ça. Parce que l'esprit, en tant que tel, il est au-delà de la forme, donc lui, il peut pas être déstabilisé par elle. Tu sais, que ça est bien sur le plan financier ou pas bien. Lui, dans le fond, sa conscience est inaliénable, est imperturbable par les contingences planétaires. Donc, c'est sûr que l'être humain qui a harmonisé sa conscience avec celle de l'esprit va devenir, au fil du temps, de moins en moins déstabilisable par l'événement. Oui, parce qu'il va aller voir automatiquement en arrière quelle est ben, la vibration, il va aller voir en arrière. Il ne se fiera Exactement. pas à ce qu'il voit ou à ce qu'il vit, c'est comme il va aller chercher plus loin. Exactement. Il va aller au-delà de les informations, les signaux que lui donnent ses Oui. sens physiques, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, pour être capable d'intégrer l'événement en fonction de sa sensibilité vibratoire. C'est ça, il va en faire une lecture automatique, là. Exact. Donc, il va devenir à l'image de l'esprit qui traite avec la vibration derrière les événements. Donc, il va devenir un être humain esprit, un être fusionné. Ouais. Un être multidimensionnel, ouais, dit autrement. Exact. Oui, ça, il va avoir accès à plein, plein d'informations. Oui, parce que Tout. plus qu'il est stable psychiquement, puis plus qu'il peut avoir accès à de l'information qui ne le déstabilisera pas, parce que si quelqu'un n'est pas déstabilisable par l'environnement, ben, il n'est pas déstabilisable non plus par rapport à l'information. Ça va de pair. Ouais. Parce que l'événement se déforme, puis les informations se déforment. Donc, si quelqu'un n'est pas déstabilisable par la forme à l'image de l'esprit, qui est vibration derrière la forme, et qui peut faire jaillir des formes, ben, à ce moment-là, à un moment donné, il atteint un point où l'événement planétaire, le contexte, ou l'information qu'il reçoit, ça le perturbe pas. Mais ça demande la stabilité psychique, et c'est le défi de l'intégration de la conscience au quotidien dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui amène la protection hein, dans les années à venir, là. Ça amène la stabilité. J'aime pas le terme protection parce que protéger, c'est par rapport à quelque chose qui est menaçant. OK. Tandis que Ah, l'indi... la peur, oui. Oui, exact. Tandis que l'individu qui a intégré l'esprit n'est plus ne se sent plus menacé par rien. Il n'y a C'est plus ça, il rien qui est à le fait vibrer, la l'extérieur. peur, c'est ça. C'est ça, il est à l'extérieur de l'événement, il n'embarque pas dedans. Exactement. Fait que si tu n'as pas peur de quelque chose, tu n'as pas besoin de protection. Parce que tu t'entends pas dedans, fait qu'en entrant pas dedans, ça peut pas t'atteindre. Te sens pas menacé. C'est ça. Donc, si tu ne te sens pas menacé, tu n'as pas besoin de te protéger. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin, comme certains religieux, de prier Jésus. Parce que tu te sens menacé par l'événement pour qu'il te protège. La personne est stable psychiquement, qu'elle se sente protégée ou non par Jésus, ben, elle est capable d'intégrer l'événement pour ce qu'il est sans avoir besoin du support d'une béquille céleste. Donc, ça amène un changement. C'est Oui. ouais, puis c'est ça l'interprétation à ce moment-là de l'événement, elle peut pas avoir lieu non plus parce que tu le vois tel quel. Exact. Donc, tu ne le réfléchis pas. C'est ça, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est tu le vois, c'est ça, c'est ça. C'est une captation de l'événement à l'état brut à partir d'une lecture vibratoire du réel énergétique qui s'y rapporte. Ce qui fait qu'il n'y a pas de parasitage qui peut se faire nulle part. Exact, la personne reste là dans sa conscience. C'est un petit peu occulte notre affaire. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je te parle de ça avec toi depuis tantôt, puis je trouve ça très vibrant. OK. On saute de fil en aiguille, mais ça se rejoint tout pareil. Hein? Bien, tout est interrelié. Dans le sens que la réalité est multidimensionnelle. Puis, c'est en parlant de différents sujets dans une dynamique de la communication canalisée que l'intégration de l'énergie se fait. Parce qu'en réalité, parler de différentes choses, on passe du coq à l'âne, c'est pas important parce que l'essentiel, c'est d'être capable de manifester une vibration pendant qu'on parle. C'est ça, on suit le mouvement dans le fond. Exactement. Il faut rester fluide psychiquement parce que si on tombe dans une linéarité, on devient dans l'intellect. T'sais. On peut dire, ah, on va parler 1.1, c'est tel sujet, 1.2, c'est telle chose, 1.3, c'est telle chose. Mais là, ça devient ouais, étouffant. C'est très rigide. C'est ça, là, ça devient étouffant. Oui. Parce que l'esprit étant au-delà de la forme, il n'est pas coincé dans la forme puis dans la linéarité des étapes ou une séquence. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de fonctionner avec la spontanéité, puis en même temps, ben, ça peut être captivant pour les gens qui écoutent ça, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va dire dans 10 minutes. Peut-être qu'ils ont la curiosité de voir où ce qu'on va. Puis même nous autres, on ne sait pas ce ben qui s'en vient. Non, exactement. On laisse émerger. C'est ça. C'est intéressant. Oui, exactement. Parce qu'en laissant émerger les choses, ben, il peut sortir des fois des messages de l'esprit pour ajuster les personnes qui canalisent pour une plus grande intégration de certains éléments. Exact. Puis en même temps, ben, ça peut bénéficier aux auditrices et auditeurs qui écoutent ça, parce qu'il y en a peut-être qui ont la sensibilité d'être mis en vibration par certaines choses qui sont abordées en disant « Ah, c'est vrai, l'événement, c'est telle chose. » Donc, ça peut rejoindre certaines sensibilités. Ben, les gens qui sont amenés à écouter des enregistrements comme ça viennent chercher quelque chose. Même si c'est juste un mot, une phrase, ils sont interpellés, ils ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas arrivés à cet enregistrement pour rien, parce qu'ils ont quelque chose qu'ils sont capables de capter. Ben, s'ils sont mis réellement en vibration pour écouter ça, là? Oui, c'est ça, c'est la façon. Si c'est eux, tout seuls, personnellement, qui, de fil en aiguille, sont amenés à, c'est pas comme si une personne leur amène... leur amène la substance puis leur dire « OK, écoute ça, écoute ça, écoute ça, là. » Exact. De toute façon, quand c'est amené avec force ou avec insistance, souvent, là, ça dure pas longtemps, là. Ça va écouter 1 minute, 2 minutes, puis après, c'est terminé, là. Ouais, exactement, parce que la personne peut écouter pour faire plaisir à l'autre. Mm-hmm. Mais si ça vient pas d'elle, si c'était pas un mouvement individuel qui émerge en elle pour écouter l'enregistrement, ben, ça se maintiendront pas dans le temps parce que ce ne sera pas supporté vibratoirement pour continuer dans ce sens-là. C'est ça. Parce que quelqu'un peut supporter temporairement un autre individu en disant « Ah, ben écoute, cet enregistrement-là, c'est bon pour ton évolution. » Mais si la personne écoute l'enregistrement pour faire plaisir à l'autre personne alors qu'elle n'a pas la vibration de faire ça réellement, ben, c'est une perte de temps parce que la personne n'est pas réellement ouverte à ça, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... Non, la vibration n'est pas là. Exact. La personne n'est pas rendue à ce niveau-là. Mais même pas, c'est pas une question de niveau, c'est... Comment on pourrait amener ça? Ben, et pas rendu là dans son développement. Moi, c'est ce que je capte, là. C'est ça. Faut pas forcer. Faut vraiment. C'est ça. C'est la personne qui va aller chercher. Chaque personne va chercher ce qu'il a de besoin dans son environnement. Exactement. Puis souvent, les réponses nous sont amenées là, par une autre personne, par un livre, par une image, par c'est la communication avec l'esprit, elle se fait de différentes façons. Oui, exactement, parce qu'après tout, l'esprit peut se servir de toutes les formes qui existent dans notre environnement pour nous passer des messages, puis nous amener à devenir plus transparents en tant qu'ego, puis à nous ajuster en fonction d'intégrer davantage son énergie. Parce que l'esprit, ce qu'il cherche à faire, c'est utiliser les événements de notre vie de tous les jours comme des prétextes évolutifs pour nous amener à nous harmoniser davantage à son énergie pour qu'on devienne de plus en plus réel, comme lui. Mais quand l'âme fait obstruction, ouais, tu sais, l'esprit va nous parler par de différentes façons, mais l'âme, Ah des oui. fois, elle aime pas ça, puis c'est ça, elle va venir brouiller. C'est le mot que tu as dit, brouiller? Non, mais ce que tu dis, c'est, je le capte que ça va dans ce sens-là, là. C'est ça, l'âme, elle va venir brouiller les pistes pour que tu perçoives pas le message ou Oui, l'enseignement exact, elle ou va faire la interférence. vibration. Oui, puis tu vas revivre d'autres événements où tu vas être confronté. Et puis à un moment donné, peut-être que tu vas dire, ah, c'est vrai, dans le fond, j'avais fermé les yeux là-dessus, mais je me suis. T'sais, j'aurais pas dû. Parce que tu le sens que tu as été retardé dans un mouvement quelconque pour ton expansion. Oui, exactement. Puis quand on parle de l'âme ici, on fait référence au plan astral, là. Oui. Ah, et Donc, tout ce qui est mémoire. c'est Les ça. mémoires accumulées dans cette vie-ci, les mémoires des vies passées, toutes les mémoires que tu as vécues, là. C'est tout emmagasiné. Exactement. Puis ça refait surface, puis c'est ce qui fait que quand ça refait surface, il faut que tu es capable de voir ce qui se passe, puis tu élimines ces mémoires-là pour pas que ça revienne, puis tu fais vraiment un ménage qui va amener un. Ça va amener ton esprit à travailler avec ton âme pour t'amener à être plus au niveau de l'ego, là, tu vas être plus fluide. Ouais, ben plus transparent. L'esprit va faire C'est le grand ça. ménage. Tu sais, là, on se parle, Oui. on est rendu au mois d'avril, puis là, il y a beaucoup de gens qui font le grand ménage du printemps. Oui. Bon, ben le passage de l'involution à l'évolution, c'est-à-dire le passage de descente de l'âme dans la matière à sa remontée dans l'esprit, c'est en relation avec un grand ménage qui doit se faire dans la psyché de l'individu. C'est-à-dire, dans l'évolution, il y a beaucoup accumulé de forme mémorielle. Et puis dans l'évolution, ben, il a composé avec la vibration de l'esprit qui va faire éclater toutes les formes qui empêchent la libre circulation de l'énergie, qui ont pu une utilité temporaire. T'sais, les gens apprennent des choses, puis temporairement, ça peut être utile pour se consolider en tant qu'identité. Puis quand l'identité est prête à recevoir l'énergie de l'esprit, parce que l'individu a suffisamment développé son corps d'énergie pour faire l'absorption de cette vibration, ben à ce moment-là, le support mémoriel est plus utile. C'est un petit peu comme les roues sur un bicycle d'un jeune enfant qui apprend à faire du vélo. À un moment donné, il faut qu'il fonctionne sans les roues pour qu'il soit capable de contenir lui-même le vélo, contenir le vide, sans le support des formes que représentent les petites roues sur le côté pour le stabiliser. Donc, lorsque la personne est centrique, elle n'a plus besoin d'éléments extérieurs à elle, de forme pour se stabiliser psychiquement, puis à ce moment-là, elle devient plus légère, plus fluide, puis Eh plus oui. Puis exact. on le sent quand le ménage est entrepris, là, tu le sais. Tu le sais que tu es rendu là, puis tu t'en vas, puis tu connais ta direction, tu sais pas comment encore ça s'articule, mais c'est vraiment ça, là, puis ça allège. Exact. Toute action que l'être humain fait en harmonie avec l'esprit, il s'y rapporte un poids de légèreté, une vitalité, une énergie, puis ça le sort d'une lourdeur. Ah oui, tout à fait. Parce que ça hausse sa vibration. Parce que les mémoires ont plus de pouvoir. Ils n'ont Exactement. plus d'emprise sur ta personne. Fait que, en éliminant les mémoires, les pensées qui venaient par rapport à ces mémoires-là, ils ont plus d'affaires dans ton mental. Ça fait une épuration, une paix. Tu ressens une paix. Ouais. Exactement, ça crée une paix psychique parce que tu n'es plus perturbable par les formes que représentent les mémoires dans ton aura, dans ta structure. Ouais. Ouais, puis il y a un équilibrage ou une équilibration, comment je peux? Un équilibrage, c'est correct. Un équilibrage au niveau des différents corps aussi qui sont en train de s'aligner. Puis oh, c'est vraiment ça fait tellement du bien. Oui, tout à fait. Donc, ce qui me vient en tête, c'est l'image de l'ego qui était autrefois chevauché par l'astral. Et puis, à mesure que l'esprit descend, ben, l'énergie qui descend de l'esprit va tasser l'énergie de l'astral qui chevauchait l'ego, ce qui va faire que l'ego va devenir plus léger, puis va rehausser sa vibration pour tendre à avoir une vibration qui est similaire à celle de l'esprit, pour qu'éventuellement il y ait une unification entre les deux niveaux vibratoires, ce qui représente la fin de la processus de la fusion, lorsque l'individu est plus divisé en être en voie d'évolution, puis l'autre qui est sur le plan éthérique, mais en un être intégral qui C'est ça, connaît une une unité. unification de l'énergie. C'est ça. Fait que d'un Ah coup, oui. c'est ça, exact. Fait que d'un côté, il n'y a plus l'âme, puis il n'y a plus l'esprit, puis l'ego, mais il y a juste un être. Puis l'énergie astrale est disparue au sein de l'individu pour régir son comportement. Puis l'énergie de l'ego est en totale harmonie avec celle de l'esprit. Puis il reste juste un être intégral. C'est ça, libre Oui. de toute forme. Exactement. Fait que c'est sûr que la finalité du processus, c'est la liberté de l'individu et son émancipation psychique. Pour qu'il sorte de la soumission à l'astral, entre autres. Ouais, quelle souffrance. Ok, on dit le mot astral, c'est la lourdeur qui Ouais. vient. C'est ouais, c'est carrément ça qui me vient. Les pensées, la télévision dans la tête, là. Ouais, exactement. Ouais, puis plus la conscience rentre, plus tu es conscient de cette télévision-là sur laquelle est projetée toutes les pensées, toutes les images, puis ça t'appartient pas. Puis quand tu es capable de voir sur ton écran mental tout ce qui vient, puis être capable de fermer le bouton, ou même avant de fermer le bouton, tu vas instruire les entités qui viennent te parasiter pour leur expliquer ce qu'ils font, puis tu leur, tu sais, il y a une instruction qui peut se faire, puis ça peut se propager, puis ça peut être bénéfique, là. Ben, on peut les. Oui, tu peux ajuster les entités qui t'acheminent les pensées, mais tu peux aussi les contester en générant une Ouais. vibration qui est tellement forte qu'ils ne seront plus capables de soutenir ton taux vibratoire parce que, à quelque part, ça va leur créer une tension énergétique tellement grande qu'ils n'auront d'autre choix que de s'éloigner. C'est comme quelqu'un qui est trop proche du feu, puis c'est trop chaud. Bien, plus que le feu monte en intensité, plus que la personne sur le plan physique est obligée de se reculer parce que ça devient trop intense pour elle. C'est automatique. Donc, Aussitôt que tu détectes la pensée, puis ça te neutralise automatiquement. exact. Ben, tu voyons, tu peux, c'est ça, neutraliser la charge astrale derrière la pensée en émettant une vibration au niveau de l'esprit lorsque tu le canalises de type supramental, qui est plus haute. C'est comme un slingshot dans ta tête, tu sais. C'est pas tu pognes la pensée là, puis tu l'étires dans l'élastique là. Puis là tu l'envoies bing puis elle revient jamais, tu sais. Ouais, quoique l'individu, dans le cadre du processus de la transition, c'est-à-dire le passage d'une conscience sous influence astrale à une conscience autonome et libre, est appelé à être testé régulièrement, entre autres par des entités astrales qui vont essayer par différentes façons d'entrer en lui, donc à travers ses failles d'âme. Donc, quelqu'un peut neutraliser quelque chose. Mais ils vont essayer de rentrer par la suite par rapport à une autre zone de vulnérabilité un peu plus tard, tu sais. Ouais, puis ça peut être de plus en plus subtil, puis de plus en plus difficile à détecter. Ce qui fait que tu dois monter en subtilité et en intelligence pour le percevoir. Puis plus que tu montes en intelligence, puis plus que tu te rapproches de l'intelligence de l'esprit qui est multidimensionnelle. Donc à travers les oppositions qui t'amènent à détecter les failles. Puis plus que tu perçois avec précision des failles de manière minutieuse, plus que quelque part, ça veut dire que tu as un niveau de conscience qui s'élève simultanément. Mais l'homme a une faille. Je me Oh! rappelle, Bernard me disait, ben, me, pourquoi me disait? Bernard disait, l'homme a une seule faille. C'est la faille. Quand l'homme va avoir trouvé cette faille-là, ça me vient pas, là, mais il y a une faille. Ah, ben moi, je m'oppose à ça. Oui. Parce que l'être humain, c'est un être qui est multidimensionnel. Mm-hmm. Donc, il peut avoir des failles par rapport aux différentes dimensions de son être, tant aussi longtemps qu'il ne s'habite pas totalement. Mais ouais, dans ben... un sens, une faille fondamentale par rapport à la peur, la crainte, là, mm-hmm. c'est quand même important en termes de failles planétaires, parce que beaucoup d'êtres humains sur Terre, bon, ils peuvent, derrière la crainte, des phénomènes, que ce soit la jalousie, la possessivité, donc la racine derrière de certains comportements sociaux, l'insécurité psychologique, la comparaison, le perfectionnisme, dans plusieurs cas, derrière ça, il va y avoir de la crainte. L'obsession. Oui, exactement. Donc, c'est la racine de beaucoup de déséquilibres énergétiques. Puis derrière la crainte, ben c'est quoi? C'est une énergie qui est là en relation avec le plan astral qui bloque l'être humain dans son mouvement naturel. Et si l'être humain n'est pas capable d'avoir une volonté qui est au-delà de la crainte, ben à ce moment-là, il est soumis à cette vibration-là qui le retarde dans son évolution. Mm-hmm. Ah ouais, c'est toujours aussitôt que t'adhères à quelque chose, t'es fait à l'os. Oui, c'est-à-dire à une forme, parce que la forme peut t'enfermer. Oui. Donc, plus que quelqu'un est fasciné par une forme, plus qu'il devient absorbé par elle, puis moins il est dans son identité réelle qui est au-delà de la forme. Mm-hmm. Mais c'est souvent, en effet, la souffrance qui va amener l'être humain à se libérer de tous les obstacles à son évolution. Puis ça va se faire naturellement. Quand les gens ont suffisamment souffert de situations de vie difficiles, ben à un moment donné, ils vont se mettre en action pour mettre fin à ça. Ouais, mais... Ouais, il y a toutes sortes de souffrances aussi. Ouais, t'as raison. Mon discours doit être ajusté parce que après tout, l'être humain est complexe, puis il y a plusieurs réalités. En fait, il y a un adage qui dit « tout est reçu selon la forme du récipient ». Donc, mm-hmm. quelqu'un peut vivre une opposition puis se mettre en action pour la régler. L'autre, il va s'effondrer. L'autre, il va se sentir victime. Il y en a un autre qui va vouloir jouer au sauveur. Tu sais, il y a différents comportements qui sont occasionnés par l'événement. Ouais, c'est ça. Ce qui convient à quelqu'un... C'est ça, la solution qui va convenir à quelqu'un ne sera peut-être pas la même pour un autre. Oui, parce que c'est du cas par cas, c'est individuel. D'avoir un cadre psychologique pour dire, OK, bon, cet individu-là, il a cette problématique-là, cette solution-là, on va y proposer. Mais c'est ça, chaque individu est différent. Oui, exactement, c'est du cas par cas. Puis plus qu'on entre dans le développement d'une conscience individuelle, puis plus qu'on peut capter la subtilité des sensibilités des individus concernés pour que la solution soit ajustée de plus en plus en adéquation avec leur être réel qu'on peut capter avec précision à la mesure qu'on développe une capacité de capter le réel en soi. Parce que plus qu'on est transparent par rapport à soi-même et plus qu'on peut percevoir l'autre, puis amener la personne aussi à verbaliser peut lui faire émerger ses propres solutions, souvent. Oui, exactement. Surtout si la solution vient d'un individu, elle va être davantage preneuse que si mm-hmm. ça vient d'un individu extérieur à elle. Exact. Puis elle va vraiment le ressentir en dedans que c'est la... Oui, avec le support de la personne qui va l'écouter, qui va la mettre en vibration, qui va l'amener à avoir une ouverture sur elle-même, ça va faire en sorte que la personne va sentir plus ce qui doit être fait. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que si la personne, elle sent que la solution émerge en elle, puis ça vient d'elle, puis est dynamisée par ça, ben ça va être plus... mobilisateur pour qu'elle passe à l'action que si c'est des gens dans son environnement, que ce soit papa ou maman qui lui disent quoi faire. Ouais. Souvent, ça va être le chemin va être le plus court. Exactement. Que si elle emprunterait la solution de quelqu'un, puis elle emploie plusieurs petits chemins avant de Tandis que sa solution à elle, c'est dans le fond, c'est son esprit qui va la mettre sa traque. Exactement. Puis la question des problèmes puis des solutions, en réalité, c'est quoi? C'est des formes. Quand tu regardes ça, le problème, c'est une forme qui peut être porteuse de la solution, qui est la forme contraire, puis là, ça crée l'ajustement. Ouais, quand tu le sais, tu le sais, puis aussitôt, du moment où est-ce que tu en prends conscience, ça se règle de par soi-même. T'as comme pas d'action. Ce qui me vient, c'est que t'as pas d'action, t'as pas à forcer l'action, c'est ça va se faire de soi-même. Oui, ça se fait naturellement, c'est un mouvement d'être qui s'installe par une forme d'autorégulation vibratoire en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit qui fait que la personne fonctionne au-delà de la réflexion qui précède une mise en action chez quelqu'un de psychologique pour que la personne, dans le fond, capte une vibration puis automatiquement elle agisse en proportion d'une manière instantanée. Donc l'intégration se fait d'une manière instantanée de la captation vibratoire au lieu qu'il y ait un délai. Que ce soit astralisé par de la réflexion. Oui. Oui, quand tu t'entreprends le ménage au niveau de tes mémoires puis t'es dans l'action, c'est comme aussitôt que tu as la solution, paf, c'est comme c'est réglé. Tu le vois tout de suite, t'es éclairé, c'est comme un éclair qui descend du ciel. Là, c'est. Oui, un éclair de génie. Oui. T'es la foudre. Ping, c'est ça. Exactement. Fait que c'est sûr que les choses s'installent à ce moment-là avec une facilité déconcertante. Parce que la personne ne cherche plus à réfléchir puis à se référer au passé pour régler le problème. Parce que la solution au problème émerge simultanément à travers elle à mesure qu'elle formule le problème. Oui, exact. C'est comme ah oui, ça devient fluide, ça exact. Roule. Puis... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que plus l'ego devient transparent au sein de l'individu, puis à ce moment-là, plus il peut capter rapidement la solution à un pseudo-problème issu de la réflexion. Ouais, parce que la réflexion, ça mange d'énergie, ça. Ben oui. Puis déjà là, tu sens la lourdeur dans le mot réflexion, c'est... Ça vient t'apesantir, là. Ça t'écrase. Ben, réflexion, c'est réfléchir devant le poids de l'énergie que tu n'es pas capable d'assumer. Ah oui. Tu sais, tu fléchis à quelque chose. Fait que là, à mesure que tu fléchis, ben, t'es pas en puissance. Tu n'as pas une capacité d'expression d'une volonté. Puis plus tu fléchis à quelque chose que tu n'intègres pas, puis plus que tu tombes dans une forme d'inertie. C'est ça. Puis la réflexion, moi, je le vois aussi comme. C'est comme un couloir, puis tu sais, ça cogne, là. C'est, tu vois quelque chose, mais tu le vois pas. Fait que là, ça rebondit d'un bord puis de l'autre. Bing, bing, bing, comme une balle de ping-pong, là. Oui. Fait que la réflexion, c'est comme ça, puis ça peut tourner longtemps, là. Fait que là, ça s'alourdit, puis... Ouais, moi, j'ai cette image-là. Oui, parce que, dans le fond, une forme qui réfléchit, puis va se greffer d'autres formes, ben ça crée une lourdeur énergétique liée à l'accumulation de formes. Donc, le mémoriel qui s'accumule, ça fait une espèce de structure, puis à ce moment-là, ça devient de plus en plus lourd à porter. Ouais, puis ça a moins de lumière. Exactement, c'est extrêmement dévitalisant. Ouais. Parce que plus que la personne réfléchit, puis plus qu'elle n'est pas en état d'émission vibratoire, donc plus que quelque part, elle s'astralise. Ouais, parce que la lumière étant pas là, eux autres, ils peuvent embarquer... Ils ont toutes les portes ouvertes. Exactement. La personne, quand elle réfléchit, elle vit un état de soumission à l'astral plutôt qu'un état d'émission vibratoire en harmonie avec l'esprit. Oui. C'est sûr, c'est important d'être capable de voir clair par rapport à la réflexion. Et c'est sûr que pour sortir de la réflexion, ben ça prend de la volonté. Oui, tu sais, il faut... Tu sais, ça, tu le vois ou tu le vois pas, là, la pensée qui rentre, tu l'arrêtes, puis parce que si tu stop, tu y mets un bloc, tu fermes la porte en avant, si tu la laisses rentrer, puis là, tu te mets à dire « OK, blablabla », c'est l'enfer, là. Puis là, à un moment donné, tu t'en rends compte. Tu te rends compte que là, tu es en train de réfléchir la pensée que tu as eue, puis Hey, ça finit plus, ça peut aller. Tu commences d'un bout, comme notre conversation, là. Tu sais, Ouais. on sait pas où est-ce qu'on s'en va, ben c'est la même chose dans le mental, là. C'est que tu accroches la pensée, tu te l'appropries, puis c'est parti, mon kiki, là. Puis tu pars d'un scénario A, puis tu te ramasses à la fin en disant où est-ce que je suis rendu. Puis là, quand tu t'aperçois de ça, tu dis hey, wow! Fait que là, tu mets un break. Mais tu sais, des fois, tu n'avoues pas tout de suite venir la réflexion. Ouais, puis là, tu te fais Mais. avoir par l'enlisement réflectif. Puis tu te mets à te soumettre un agenda puis une programmation qui provient pas de ton esprit, puis qui va te divertir de toi-même, c'est-à-dire te déstabiliser puis t'amener ailleurs où ce que tu es censé être. C'est Arrêtez ça. Puis de... Ouais. ça rend opaque le canal, là. Exact. Ah ouais. Il y a plus rien qui circule, là, ça bloque. C'est ça. Donc, ça bloque le tuyau. Puis là, il faut que tu appelles un plombier psychique pour réinitier le mouvement sur Terre. C'est ça. Ah ouais. Il y a une motte de cheveux qui est poignée dans le tuyau. Exactement. Décoince-moi ça après. Mais ça se décompose pas, hein. Ça c'est dur à décomposer. Hein. Sur des cadavres, là, les poils et les cheveux continuent à pousser. Ah? Puis tu sais, tu regardes les momies, là. Oui. Les momies, les cheveux sont toujours là, c'est pas décomposé. Hein. C'est la seule façon, là, en tout cas, que moi je pense, là, t'sais, les cheveux, puis c'est le feu. Fait que ça amène, tu mets le feu dans le couloir, puis Non, ben je comprends. ça fait le ménage. Ouais, ben l'entrée de l'esprit au sein de l'individu va mettre le feu dans la baraque du moi, pour employer une belle expression. Dans le sens que ça amène l'être humain à s'allumer intérieurement, puis brûler sa subjectivité, sa réflexion. Donc, pour l'amener à connaître une mutation psychique où il va fonctionner autrement. Ouais. C'est ça pourra plus laisser place à entrer rien parce que quand que le feu est là, il n'y a plus rien qui rentre, là. Ben non, exactement. C'est sûr que quelqu'un qui a le feu, qui est dynamisé, qui est vitalisé, il va émettre une énergie qui va faire qu'il ne sera plus en état d'absorption par rapport à l'environnement. Il va être plutôt en état d'émission vibratoire. Donc, il va oser rayonner comme un soleil plutôt qu'être satellite des autres. Oh, oh! OK. Ben, on Ouais. utilise des Puis quoi? images. Oui, mais c'est le fun de mettre des images. Puis ben c'est ça, les gens, quand tu es un feu, ils te voient, ils te sentent, mais sauf qu'ils ne t'approchent pas trop parce qu'ils veulent pas se brûler non plus, parce qu'ils savent Sauf, que tu. à ta minute, si la personne est Oh. animée d'un feu similaire, OK. c'était sa même vibration, même longueur d'onde que l'autre. J'ai trouvé ça Ouais. agréable. Tu rencontres une personne qui est allumée, elle a des lumières dans les yeux. Ça va être agréable à parler. Si tu es capable de supporter la vibration de l'autre, une compatibilité énergétique qui est là, qui va faire en sorte que les échanges vont être beaucoup plus dynamique entre ces deux individus-là que s'il y a un décalage vibratoire parce qu'il y en a un qui vibre à l'astral, qui peut se sentir brûlé par l'autre, puis vice-versa, l'autre, il sent une lourdeur énergétique. Fait que là, à quelque part, ça le draine de ses énergies vitales. Oui, puis là, c'est le combat d'ego qui embarque. Qui peut embarquer, Oui. mais c'est sûr que la personne qui vibre plus à l'esprit d'un d'eux, c'est elle qui aura la possibilité de freiner ou d'adoucir le combat d'ego qui peut avoir lieu, là. Mais si l'astrale est tellement forte du côté opposé, Ben, la personne, je pense oh. qu'elle soit qu'elle va essayer de réajuster l'autre, si elle empiète sur son terrain ou elle va s'éloigner. Mais de toute façon, s'il y a un décalage énergétique, moindrement, il y aura une lourdeur entre les deux personnes. Ce qui fait que ces Ouais, puis gens. Oui. la réflexion va embarquer, puis ça va être infernal. Exactement. Ce qui fait que ces deux personnes-là seront pas à l'aise pour former un couple. Exact. Donc, c'est sûr que c'est des phénomènes énergétiques qui sont intéressants à étudier dans les rapports individuels entre personnes, parce qu'après tout, on vit en contact avec des gens dans notre environnement. Puis derrière la relation avec des gens, il y a toujours des enjeux énergétiques. Puis quand on est en contact avec cette conscience-là, on fait le ménage aussi des personnes qui peuvent nous approcher ou venir nous chercher notre énergie. On met des Exact. barrières. Oui, parce que après tout, dans le développement du principe de la volonté, il y a la capacité de dire non, de mettre ses limites pour pas que son territoire se fasse empiéter par les autres, pour pas se faire vampiriser les énergies vitales. Ah, c'est ça, on les voit venir, puis on dit wow. Exactement. Ben, ça me fait penser au principe de l'esprit qui dit que plus que la personne devient consciente, moins elle cherche à dominer les autres et aussi moins elle cherche à se faire dominer par eux, puis moins elle se laisse dominer par eux autres, là, tu sais. Ah oui. Elle veut pas, cette personne ne veut pas être accaparée de nulle part. Elle veut pas Exactement. accaparer, puis elle veut pas être accaparée non plus. Exactement. Fait que la personne sort du cycle de la domination, c'est-à-dire dominant-dominé, les rapports inégalitaires qui ont eu cours d'une manière immémorable sur Terre là, depuis plusieurs millénaires, là. Et la paix s'installe. Dans son esprit. Et puis éventuellement, ben, ça va être le cas avec les autres personnes qui vivent ça. Si les gens ils se réseautent puis ils parlent ensemble, ben, à ce moment-là, ça fait des éthers de paix qui vont régner entre ces différents individus. Ouais, puis ça, c'est. Oui, ça, on le sent, mais aussi les personnes qui nous entourent, dans lesquelles on va être en contact, vont le sentir aussi sans savoir. Exactement. Donc, c'est sûr que implicitement, la vibration est captable par les gens. Par contre, ce que je dirais, c'est que ça prend une certaine sensibilité pour la Oui. capter avec clarté. Donc, plus que la Oui. personne est dans la forme, puis elle a un astral qui est opaque, puis plus que ça va faire interférence à la captation de la vibration d'une émission vibratoire qui peut provenir d'un individu. Mais l'astral va faire en sorte que dans cette personne-là, l'astral va amener cette personne-là vers nous pour venir nous gruger notre énergie. Mais sauf que, tu sais, en la voyant venir, on peut mettre un stop, là. Oui, c'est sûr que l'astral peut servir d'individu interposé pour essayer de nous retarder dans notre évolution. Puis en même temps, simultanément, notre esprit peut laisser faire l'événement pour voir à quel point qu'on est capable de faire preuve de discernement dans la gestion de nos rapports relationnels. Fait que c'est sûr, c'est intéressant de réaliser qu'à quelque part, le fait d'être capable de voir clair par rapport aux manipulations occultes qui peuvent avoir lieu dans notre vie, nous amène à monter en intelligence, puis à intégrer davantage le principe de l'intelligence multidimensionnelle pour tendre à celle de l'esprit. Donc, c'est sûr, des choses intéressantes à étudier, là. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est infini. On peut parler de même pendant plusieurs heures, puis... Ah ouais. Ah, moi, j'ai de l'énergie. Ben, c'est dynamisant parler comme Oui. ça, parce que là, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de plan, là. Moi, j'ai Non. pas de notes, là, j'ai rien. C'est vraiment qu'est-ce qui émerge, puis on est dans une dynamique de canalisation. C'est sûr qu'on vit chacun ça de notre côté, puis un peu... Comme mon interlocutrice présente, ben, ça me dynamise parler comme ça. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faut en venir à compléter aussi l'enregistrement. Oui. Donc, à ce moment-là, pour terminer aujourd'hui, est-ce que, en guise de conclusion, tu avais quelque chose à rajouter? Non, ça va être tout pour moi. Bon, ben, excellent. Ben, écoute, je te remercie beaucoup de ta participation. Bien, Ça merci à de. toi. Excellent. Donc, ça a donné un échange intéressant. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.